baguette dans la main droite. Tu tapes sur... Tu prends la baguette dans la main droite. Tu tapes sur... là-bas. Et tu comptes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mets ton pied plus loin. Elle va avoir mal au tibia aussi. Elle.